bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô! Bienvenue dans ce Lobster 175.0. On est rendu, j'enregistre, on est quoi? On est le 29 octobre 2025, tout va bien. Même que ça va très bien. Dernièrement, j'ai été voir, dès sa sortie, le film de Kaamelott. Ah, que c'était bon! Vous savez, là, j'en parle souvent, puis j'ai mis beaucoup, beaucoup d'extraits dans les autres Lobster, là, des épisodes, des 3-4 premières séries de Kaamelott. C'est probablement ma série préférée. Là. Je l'écoute la nuit en me couchant. Puis c'est ça, quand je suis allé voir le film, j'ai pas lu les critiques avant, j'ai juste vu la première bande-annonce. Puis moi, j'ai vraiment, vraiment été séduit par cette... c'est le volet 1 de ce film, qui est en deux parties. Il y avait eu déjà un film avant qui mettait un peu les choses en place. Puis qui finissait là, bizarrement. Puis bon, c'était pas. Le dernier film n'était pas si bon. Mais celui-là, ah, il lance tellement de choses. Il met tellement de choses en place. Il y a Arthur qui revient là, à la table ronde. Mais la table ronde n'est plus ce qu'elle était. Le château d'Arthur a été détruit. Bref, il y a une nouvelle table ronde. Puis c'est merveilleux. Il donne des missions à plein de gens. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux par certains moments. Là, il y a des vues, des prises de vue où je me dis, parce qu'il y a comme quatre qui partent en une mission qui a rapport à un dragon. Puis là, ça ressemblait à Sam, Frodon, puis les autres. C'était, en tout cas, moi j'ai eu plein d'émotions durant ce film-là. Et c'est un film qui dure 2 heures et quelques. Les critiques sont pas super bonnes, je crois. Mais moi, je suis mordu, puis j'ai dit, c'est tellement bon. Toute l'action redémarre à l'intérieur de ce nouveau Kaamelott. Il y a plein de choses, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est fini. On est dans la partie 1. Donc, il y a plein de choses qui est lancées. Il y en a, disons, une qui se résout, deux. Il y a des petits bouts qu'on a un peu d'informations, mais les gros morceaux, évidemment, ne sont pas résolus. Fait que c'est pas mal de... Je voulais, dans le fond, vous conseiller d'aller le voir si vous voulez. Si vous aimez la série, je suis sûr que vous allez adorer ce film-là. Puis, tu sais, je vous avais mis dans l'autre Lobster, l'entrevue avec Alexandre Astier. Puis, tu sais, on se disait, Perceval, ce qu'on avait entendu, c'est que Perceval ne revenait pas parce qu'il avait pris sa retraite. Puis finalement, c'était pas vraiment ça la vraie raison. Je vais vous mettre à la fin de ce Lobster-là un extrait d'entrevue qui dure 8 minutes et demie. J'ai pas accès à l'entrevue au complet. Là, faut payer un Patreon pour avoir au complet. Mais j'ai écouté le 8 minutes et demie. Puis il explique finalement à Perceval qu'il s'est rendu pour le tournage. Il a essayé ses costumes. Puis là, c'est ça. Il a demandé, lui, à lire le scénario complet de l'histoire. Pour bien situer un peu son personnage. Puis d'habitude, Alexandre Astier ne donne pas ses manuscrits. Bref, ils lui ont donné quand même. Il l'a lu, puis là, il a dit qu'il n'avait pas un bon ressenti. Puis finalement, il a dit non. Il dit, je ne veux pas tourner. Donc, ce n'est pas une question qu'il est à la retraite. Il dit qu'il n'a tout simplement pas eu un bon ressenti pour tourner. C'est triste un peu. Mais dans le film, ils en font quand même mention. Perceval est là quand même. Puis là, lui, dans l'entrevue, il laisse la place quand même à revenir. Puis dans le film où ce qui n'est pas là, ils lui font un peu faire quelque chose. C'est comme si il était parti tout seul à la recherche du Graal. Donc, peut-être, s'il y a une autre suite, il reviendra. Donc, il y a encore des espoirs. Sinon, Caradoc est là, son ami de toujours est là, puis... Ce qui est le fun dans le film, c'est qu'on retrouve vraiment l'esprit des 3-4 premières séries où c'est comique puis c'est des petits bouts. Fait qu'il y a plein de bonnes jokes qui viennent frapper, qui moi me faisaient plaisir. Quand je suis allé le voir au cinéma, on était 10 dans la salle, puis on a ri vraiment plusieurs fois. Puis des fois, on rit pas parce que c'est drôle, parce qu'on reconnaît la série, on reconnaît l'essence de Kaamelott. Puis juste de voir la situation, ça nous rappelle la série, puis on est content, puis c'est drôle. parce que tout le monde se mettait à rire au même moment, là. Puis, je vous l'ai-tu dit? Non, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça, les personnages ont tellement vieilli maintenant. La mère de Arthur est rendue laide. Elle était déjà vieille quand elle tournait dans la première série, dans les premières séries, mais là, dans le film, elle a vieilli puis elle a boursouflé un peu du visage. Elle est vraiment pas belle, mais c'est beau, là. Les personnages ont vieilli, puis c'est le fun à voir. Puis c'est ça, tous les personnages reviennent. Puis il y a des fois, ils ont tellement vieilli qu'on les reconnaît pas, mais moi, je l'écoute tellement, juste à la voix, je dis, ben voyons, c'est lui! On le reconnaît juste à la voix. Mais c'est ça. Bon, fait que ça, c'est pour Perceval, je vous mets son entrevue à la fin. Je vais aussi vous mettre à mes épisodes du Grenier Pop. J'en ai trois pour vous. J'ai l'épisode 7, où je parle d'espace, de nos héros de l'espace, comme Albator, Capitaine Flamme. Puis je parle même de Cobra, la série que mon frère m'a fait découvrir il y a quelques années, puis qui était très bonne. Donc j'en parle dans cet épisode 7. Dans l'épisode 8, je parle de l'année 1985. C'est l'année où il y a eu plein de sorties, par exemple, comme Retour vers le futur, des choses comme ça. Donc, pour la période pop, c'était une grosse année, 1985. Et je vous mets l'épisode 9 qui sort ce vendredi. C'est mon épisode Halloween. Puis dans cet épisode-là, je retourne vraiment dans mes vieux souvenirs où je joue au jeu Atmosphere. C'est un jeu que mon ami Martin avait. C'est un vieux jeu où on mettait la cassette dans la TV. Puis là, il vient nous parler. Puis il y a tout le temps, il y a un souffre-douleur. Puis il nous traite de larves. Puis il faut lui répondre, oui, seigneur des clés. Sinon, on a des conséquences. Puis il y a comme un décompte à la TV. Bref, c'est un vieux souvenir. Puis j'explique comment on jouait dans le temps. Puis je suis allé sur YouTube chercher toute la trame sonore de la première cassette d'Atmosphere, celle que mon ami avait, celle du Seigneur des Clés. Puis là, je joue au jeu là, dans l'épisode. Ça, c'est quand même assez comme. Je joue 5 minutes, là, je joue pas pendant une heure. Mais donc c'est ça l'épisode 9. Puis quoi d'autre? De quoi je voulais vous parler? Ah oui, c'est ça, j'ai écouté une super bonne série sur animesama.fr, là où j'écoute toutes mes séries d'animation japonaise. La série s'appelle The Rising of the Shield Hero. Puis qu'est-ce que ça dit? Je vous lis le scénario. Naofumi a été invoqué dans un autre monde avec trois autres garçons originaires du Japon pour devenir les quatre héros légendaires. Chacun des héros était équipé de son propre équipement. Puis c'est ça, lui qu'on va suivre, il a reçu le bouclier, puis là, il n'est pas content parce qu'il ne peut pas se battre, il est plus défensif. Puis là, les autres héros qui ont eu, il y en a un qui a eu un arc, il y en a un qui a l'épée, puis il y en a un autre, je pense, c'est une lance, puis là, il rit de lui. Puis finalement, même le roi n'en veut pas, puis c'est ça. Puis c'est quoi qu'ils disent? Il s'est retrouvé avec un seul coup. Ah, c'est ça. Le roi, il y a des gens qui... Le roi dit, qui veut se joindre au héros? Puis là, les gens vont se placer en arrière, puis il n'y a personne qui veut joindre à lui. Mais finalement, il y a juste une fille qui est joint à lui. Puis, je vous dis pas le punch. Tu sais, d'habitude, c'est toujours ça, là, le héros avec une belle fille ou avec une fille qui fait pas de sens. Mais là, la fille qui est avec, c'est une pogne. Puis c'est une bonne pogne. Puis là, après ça, ça le met vraiment fâché. Puis là, après ça, il va se retrouver des vrais compagnons. Mais c'est vraiment... en tout cas, c'est une belle série. Il y a 4 saisons. Moi, je les ai clenchées là, en 2 semaines à peu près. Donc, si ça vous tente, sur anime.sama, The Rising of the Shield Hero, vous pouvez le mettre en français aussi. Là. Je l'ai écouté en français. Puis là, en ce moment, merveille, j'écoute une nouvelle série qui s'appelle High Score Girl. Il y a 24 épisodes, puis là-dedans, c'est juste un garçon dans les années 80 qui trippe sur les jeux vidéo, les machines d'arcade, puis c'est toute son histoire. Là, il se fait battre par une fille, il va comme un peu tomber en amour avec elle, puis il y a une fille qui joue jamais, qui, elle, va essayer de devenir bonne pour le battre, mais en échange, si elle bat, elle veut qu'il sorte avec, mais lui, il est comme en amour avec l'autre qui l'a battu. Puis là, il y a toute une histoire... vraiment intéressante autour de ça. Au début, j'étais pas sûr si j'allais aimer les dessins, mais en tout cas, finalement, j'ai tout aimé dans la série. Puis là, je suis rendu à l'épisode 15 environ d'écouter. Puis c'est ça, les gens qui ont écrit cette série-là, ça n'a aucun bon sens comment ils connaissent bien les arcades, parce que moi, c'est mon époque, là, les arcades des années 1980. Puis, vous savez, des fois, j'ai comme un toc là, de retrouver des affaires d'antan, ou des affaires que j'ai oubliées. Là, ça fait des années que je cherche la chanson avec des chats qui dansent que j'ai joué dans un des Lobsters, puis je la retrouve pas, puis je la cherche depuis tout le temps, je vous en parle. Mais il y a aussi un jeu vidéo que j'ai déjà parlé, que je jouais à l'arcade dans le temps, que je cherchais. Puis là, miracle, en écoutant cette série-là, parce que le jeu, il avance un peu, la série avance un peu des années, puis il parle des sorties de jeux. Puis ça se concentre majoritairement autour des jeux de Street Fighter, où ce que le garçon il est bon là-dedans. Mais à un moment donné, il joue au cours de la série, il touche à d'autres jeux. Puis là, il est venu toucher à ce jeu-là que je me souvenais d'avoir joué à l'arcade. Puis je me disais, c'était donc bon. Puis là, il donne le nom en plus, puis il explique plein d'affaires. Fait que le jeu, c'était Space Harrier. Juste, je pense que je l'ai à l'écran. Attends, oui, je pense que je l'ai là. Space Harrier. On va juste décoller la bande-annonce. Ça, c'est le début du jeu. C'est ça. En gros, ce que ça dit, c'est le début, ça dit « Bienvenue à la chanson de fantasy ». C'est ce qu'il dit hein, le héros. Puis là, toi, t'es un héros. C'est à la troisième personne. Toi, tout ce que tu vois, c'est le cul de ton bonhomme puis sa tête. Puis lui, il a l'air à tenir un fusil dans les mains, mais il vole dans les airs. Fait nous, tout ce qu'on fait, on le déplace. Puis l'écran, dans le fond, il y a des montagnes. Puis l'espace bouge, mais se dirige vers nous. Fait que les monstres qui sont sur l'écran, ou les arbres, ou les buissons, les champignons, se dirigent vers nous. Puis nous, on doit tirer dessus. Puis ce jeu-là, ah, j'ai joué vraiment souvent à l'arcade parce qu'il était vraiment le fun. Puis j'ai regardé le vidéo là, que je clique dessus. Il dure 17 minutes jusqu'à, pour nous montrer jusqu'à la fin. C'est un jeu de Sega de 1985. Puis il y a 18 niveaux plus un niveau de monstre à la fin. De boss final, en fait. Puis j'ai regardé la vidéo, puis je me rendais, selon ma mémoire, jusqu'au niveau 9 à l'arcade. Puis il y en a 18 des niveaux. Parce que j'ai regardé, puis je reconnaissais les monstres. Il y a toujours, à la fin d'un stage, un monstre à tuer. Il y en a un qui c'est un genre de dragon japonais vert qui vole dans les airs, puis qui se croise. Celui-là, je me souvenais de l'avoir tué. Fait que j'ai regardé tous les monstres jusqu'au niveau 9. C'est pas mal le dernier, je me souviens. Fait que quand même, je passais la moitié du jeu, mais je sais pas avec combien d'argent. Mais bon, bref, Space Harrier, un vrai jeu là, que j'ai adoré à l'arcade. Quoi d'autre? De quoi je voulais vous parler? Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais noté pour vous parler. Je vais juste vérifier ici. Le Lobster... Camelot, je vous en ai paré, puis The Rising of the Shield Hero aussi. Donc, c'est tout. Je vous souhaite une bonne écoute des trois épisodes. Vous avez la primeur de l'épisode d'Halloween. Puis on se reparle bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye. Le grenier pop, trésor vintage et culture pop. C'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop. Le grenier pop. Allô, allô! Bienvenue dans le Grenier Pop, votre émission de culture pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et cette semaine, pendant la prochaine demi-heure, on grimpe ensemble là-haut, dans ce grenier rempli de trésors oubliés où chaque boîte qu'on ouvre libère une bouffée de nostalgie, un souvenir inattendu ou un moment culte prêt à revivre. Donc, on commence directement en musique que le groupe pop des années 80, Men Without Hat, fait un retour en force. Après avoir lancé en juin la chanson I Love the 80s, ils viennent tout juste de dévoiler une deuxième pièce, Glorious Days. Donc, on va l'écouter en se rappelant que c'est ce groupe qui nous a donné des classiques comme Safety Dance et Pop Goes the World, des classiques qui résonnent encore aujourd'hui dans les oreilles des nostalgiques et des nouveaux fans. Alors, on plonge sans attendre dans ce son de synthé typique des années 80. C'est parti! Get to heaven with all that I feel inside. Without That revient donc avec la chanson Glorious Day. Le groupe sort un nouvel album intitulé Men Without That on the Moon. L'album doit paraître le 14 novembre et sera suivi d'une série de spectacles. Pour ceux que ça intéresse, quelques dates sont prévues au Canada, dont le 20 novembre à Toronto. Et justement, il n'y a pas que Men Without Hat qui veut aller sur la Lune. Cette semaine, dans le Grenier Pop, on parle d'espace, un sujet très à la mode ces temps-ci. En février prochain, l'astronaute canadien Jeremy Hansen s'envolera pour un voyage aller-retour vers la Lune avec l'équipage de la mission Artemis 2. Et tout récemment, on a appris que l'Agence spatiale canadienne a accordé un contrat pour concevoir un réacteur nucléaire faiblement enrichi à l'uranium, un modèle compact qui pourrait être transporté et utilisé sur la Lune. Bref, ça bouge dans le domaine de l'espace. Mais ce que peu de gens savent, c'est que toutes ces nouvelles technologies qu'on pense devoir inventer pour établir une base permanente sur la Lune existent déjà. Enfin, dans nos souvenirs du moins, parce qu'on les a déjà vus, ces inventions-là, dans nos séries cultes de science-fiction. Les réacteurs lunaires, les bases spatiales, les vaisseaux interstellaires, tout ça, Capitaine Flamme l'utilisait déjà dans les années 80. Albator, lui, de son côté, défendait la Terre depuis son vaisseau mythique et Ulysse 31, lui, naviguait entre les étoiles bien avant qu'on parle de mission Artemis. Comme quoi, parfois, la pop culture avait une longueur d'avance sur la réalité. Et justement, parlons d'un de ces héros de l'espace qui a fait rêver toute une génération. Albator, le capitaine corsaire de l'espace. Toujours en noir, avec sa cicatrice sur le visage et son grand manteau battu par le vent cosmique. Un rebelle solitaire, en guerre contre un gouvernement corrompu et contre des envahisseurs venus de loin, ou parfois de l'intérieur même de l'humanité. Dans la série Albator 78, la Terre vit dans l'abondance, mais les humains sont devenus apathiques, indifférents, tandis qu'une mystérieuse armée de femmes venues de l'espace, les Sylvides, prépare l'invasion. Et pendant que tout le monde ferme les yeux, il n'y a qu'un homme qui ose se lever pour défendre la liberté, le capitaine Albator. C'était bien plus qu'un dessin animé de science-fiction. C'était un peu une allégorie de la révolte, de la liberté et de la responsabilité envers notre planète. Et avec sa musique, ses vaisseaux et ses combats spatiaux, Albator nous faisait rêver d'un futur où les étoiles semblaient à portée de main. Quelle belle époque! Le thème Albator 78, signé Éric Carden, un classique de la télé des années 80. Et si vous avez envie de replonger dans cet univers mythique du capitaine corsaire, sachez qu'il existe une superbe édition en bande dessinée. Elle se nomme Capitaine Albator, le pirate de l'espace, l'intégrale. Ça, c'est une réédition complète de 2014 qui est bien illustrée en noir et blanc, qui reprend les aventures originales du héros de Leiji Matsumoto. C'est disponible dans nos librairies autour de 44$. Moi, je l'ai dans ma collection de bandes dessinées et si je regarde le quatrième de couverture, je peux vous le lire. En de grâce 2977. Lorsque toutes les mers du globe eurent disparu, les hommes pensèrent que la fin du monde était arrivée. Ils s'apitoyèrent sur leur sort sans même songer à l'espace infini qui s'étendait au-dessus de leur tête. Seule une poignée d'hommes, croyant en l'avenir radieux du genre humain, eurent le courage d'aller explorer la mer du dessus. Alors les autres hommes ricanèrent en disant « Ce sont des fous qui courent après un rêve irréalisable ». Donc, un beau manga à lire pour ceux qui aiment le genre. Et bien sûr, il est toujours possible de se replonger dans les aventures d'Albator sur YouTube. J'ai vu que le film Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse, un long métrage de 82, y est disponible. Ce film, d'une durée d'environ 2 heures, sert d'introduction à la série Albator 84. On y découvre la jeunesse d'Albator, l'histoire de ses ancêtres et comment il est devenu le corsaire de l'espace que tout le monde connaît. C'est donc une excellente porte d'entrée pour comprendre le héros avant de replonger dans les épisodes de la série. Maintenant, après Albator et son univers un peu sombre et rebelle, passons maintenant à un héros un peu différent, mais tout aussi emblématique de notre enfance. Le capitaine Flamme. Lui, c'est le scientifique, le stratège, le voyageur de l'espace, toujours prêt à défendre la justice avec ses compagnons. Alors qu'Albator incarnait le rebelle solitaire, le capitaine Flamme, lui, nous montrait comment on pouvait explorer les étoiles et protéger l'univers avec intelligence, courage et solidarité. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Ce générique, impossible de l'oublier, c'est comme un verre d'oreille. Même moi, si je ne l'avais pas écouté depuis des années, je m'en souvenais encore. Dans Capitaine Flamme, on suit 13 voyages effectués par le capitaine et ses compagnons à travers des planètes lointaines et des aventures extraordinaires. La série d'animation a été réalisée dans les années 70 par Toei Animation et diffusée en Europe et au Canada dans les années 80, marquant toute une génération. Donc, chaque épisode combinait action, science et morale. On parlait là-dedans de quoi? On parlait de l'importance de la collaboration, de la stratégie et de la curiosité scientifique pour explorer l'inconnu. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup des gadgets et technologies qu'on voyait à l'écran, les vaisseaux spatiaux, réacteurs, armes de défense, avaient quelque chose de réaliste et visionnaire, comme si nos héros de fiction avaient un coup d'avance sur la vraie exploration spatiale. Et dans plusieurs épisodes, la série abordait également des sujets un peu plus profonds, comme l'éthique scientifique ou encore les conséquences de l'intelligence artificielle. Donc, on va écouter un extrait d'un épisode où on abordait le transhumanisme. J'ai réussi. Je viens de terminer le déchiffrage de ces signes. Je connais maintenant le terrible secret de la fin de cette civilisation. Vite, racontez-nous. Pour leur permettre de mieux affronter les éléments naturels et particuliers sur les nouvelles planètes qu'ils colonisaient, ils remodelaient le corps de ceux qui s'y installaient. Ils créaient une évolution artificielle. Une évolution artificielle des espèces, c'est insensé. Voulez-vous m'expliquer, ce n'est pas mon domaine. Eh bien, en gros, disons qu'en agissant sur les gènes et les chromosomes, il est possible de penser qu'on pourrait réussir à créer les êtres que l'on veut. Est-ce qu'ils racontent aussi comment ils ont réussi à faire une chose pareille? Non, mais ils expliquent bien que cela se passait dans un endroit secret sur une autre planète. D'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait la planète Ahar et l'endroit s'appelle la caverne de vie. La caverne de vie? Je suppose qu'il s'agissait du laboratoire dans lequel les évolutions artificielles des espèces étaient effectuées. C'est formidable! Si jamais nous découvrons quel est ce secret, nous pourrons alors faire des générations de surhommes ou de surdoués. Oui, bien entendu, et rendez-vous compte de ce qu'une découverte pareille pourrait alors rapporter. Ah, écoutez, c'est vraiment très important. Abandonnons les recherches et partons-y tout de suite. Avec le cyberlade, nous y serons très vite. Non, messieurs, nous n'irons pas. Pourquoi? Parce que je pense profondément que la science ne doit intervenir en aucune manière dans l'évolution de la race humaine. Si nous découvrons ce terrible secret, nous pourrons sans doute créer des surhommes, des surdoués, comme vous dites. Malheureusement, nous pourrons peut-être aussi créer des monstres et des démons. C'est pourquoi il vaut mieux que l'évolution de l'homme continue de façon naturelle. Capitaine, écoutez, personne n'est capable de dire à l'avance que cela ne serait pas un bien fantastique pour l'humanité. Mais oui, le professeur Winter a raison. Capitaine, réfléchissez! Mais justement, j'y ai déjà beaucoup réfléchi. J'ai vu trop de tragédies provoquées par des savants qui voulaient jouer les apprentis sorciers et j'ai compris. Non, je vous en prie, attendez, capitaine! Vous n'avez pas le droit! Oh non, non, non, j'ai le honte! Et voilà, dans cet épisode de Capitaine Flamme, on voyait bien que derrière l'aventure et l'exploration spatiale, la série abordait aussi des thèmes profonds et toujours actuels comme le transhumanisme. La question de ce que la science peut ou doit faire pour transformer l'homme, c'est quelque chose que nos héros animés n'avaient pas peur de poser. Et 50 ans plus tard, ça reste des sujets pour lesquels on discute encore et encore et pour lesquels on cherche la meilleure approche. Mais bon, après ces réflexions sérieuses, place à l'action et au rythme futuriste. Et pour continuer notre voyage interstellaire, on passe au synthé haletant de Giorgio Moroder avec la chanson Chase, un morceau qui servait de bande originale au thriller Midnight Express en 1978. Même si le film n'a rien à voir avec l'espace, le rythme frénétique et futuriste de cette composition nous fait instantanément sentir la vitesse, la tension et l'aventure comme si nous étions à bord d'un vaisseau spatial en plein sprint entre les étoiles. Maintenant, toujours dans notre thème de l'espace, je veux vous parler de la série Cobra. C'est une série que j'ai découverte il y a environ 5 ans grâce à mon frère qui l'écoutait et me l'a fait découvrir. Donc Cobra, c'est une série de 31 épisodes de 24 minutes diffusée entre 1982 et 83. Et c'est toujours bon, même si on l'écoute de nos jours, les aventures de ce héros restent palpitantes. Dans un monde futuriste, au cours d'une séance de rêve artificiel, un homme nommé Johnson retrouve la mémoire. Il découvre qu'il est en réalité Cobra, le mythique aventurier de l'espace supposé mort depuis 5 ans. Il s'aperçoit aussi lors du premier épisode que son bras gauche dissimule un dispositif redoutable, le rayon Delta ou Psychogun, une arme qu'il est le seul à posséder. En gros, sa main gauche a la possibilité de se transformer en arme qui lance un genre de laser destructeur. Après avoir recouvré son identité, Cobra décide qu'il est temps pour lui de reprendre sa vie de corsaire de l'espace, recherché par la police galactique et les pirates de l'espace. Aux côtés d'Armanoïde, sa fidèle coéquipière androïde, à la personnalité et apparence féminine, il parcourt donc l'espace à bord de son vaisseau spatial, réputé pour être le plus rapide de la galaxie. Donc, il est en quête d'aventure de richesse et de conquête féminine. Et oui, ce héros, son activité favorite, c'est de faire des conquêtes féminines. Donc, ça vous donne un peu le ton des aventures de ce héros qui a toujours un cigare à la bouche. C'est donc une série avec beaucoup d'humour, car Cobra se met toujours dans l'embarras. Donc, on écoute un extrait pour vous montrer le ton de cette série. À l'heure actuelle, le bilan officiel de cet événement tragique est de 182 morts et de 78 blessés graves. Selon les premières estimations, les dommages causés au bâtiment s'élèveraient à plus de 7 millions de dollars. Les autorités ignorent toujours la raison pour laquelle ces hommes ont attaqué le musée ainsi que son laboratoire dédié aux fossiles rares. Il y a un truc qui m'échappe. Ah oui, quoi donc ? D'après les déclarations de nombreux témoins, les responsables de cette attaque appartiendraient à la Guilde des Pirates, un syndicat criminel tentaculaire intergalactique. Cette guilde est connue pour avoir déjà commis à plusieurs reprises des attentats terroristes et des pillages de planètes, toujours accompagnés d'une extrême violence. Cette fois, la police intergalactique a déclaré prendre l'affaire très au sérieux et a ordonné une gigantesque enquête dans tout le système solaire. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur cette tragédie à cette heure. Dis-moi, Armanoïde, tu trouves pas ça bizarre ? C'est vrai, quoi, il y avait des pierres précieuses, de l'or et plein d'autres choses de grande valeur dans ce musée. Et ils n'ont rien emporté, tu trouves pas ça curieux ? Tu oublies le mollusque fossile, même s'il n'a aucune valeur marchande, ils l'ont emporté. C'est ça qui est plutôt étrange. Qu'est-ce que la guilde compte faire avec un mollusque ? Si je le savais, ils vont peut-être se recycler et ouvrir un magasin d'antiquités. J'ai cru comprendre que cette fille, Utopia Mort, était professeure et que son rayon, c'était les fossiles. Elle pourrait peut-être nous aider. Dès qu'il s'agit de la guilde des pirates de l'espace, tu ne tiens plus en place, mon cher Cobra. Que veux-tu ? On ne se refait pas. Je suis du genre rancunier. J'ai un petit compte à régler avec eux et crois-moi, je vais les faire payer. Voilà, ça vous donne le ton de la série, si vous avez le goût de l'écouter. Il y a aussi eu une nouvelle série en 2010, mais de seulement 13 épisodes. Je ne sais pas si c'est bon, moi je n'ai vu que la première série de 1982, qui, je vous le confirme, elle était très bonne. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce grenier pop spécial de l'espace. Tous les épisodes sont disponibles dans vos applications de balado. Et si vous avez des questions ou suggestions, je vous attends sur la page Facebook du Grenier. Sur ce, bon début de week-end! Le grenier pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô! Bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour prendre l'échelle qui monte au grenier et ouvrir une boîte sur laquelle est écrit 1985. Et oui, cette semaine, on remonte à une année mythique.

Donc, pour tous les jeunes Halloweeneux, je vous souhaite plein de maisons avec une grosse citrouille au pas de la porte. N'oubliez pas de bien vous éclairer pour être bien visible ce soir. Et à la fin de la soirée, n'oubliez pas de manger vos bonbons avec gourmandise et n'oubliez pas de rigoler avec votre ami qui avait un sac brun sur la tête et l'autre qui a testé le costume de la momie en papier de toilette. C'est la soirée idéale pour laisser place à un peu de magie et à vous ouvrir au monde imaginaire. Donc, merci d'avoir été là avec nous pour cette émission sur l'Halloween et n'oubliez pas notre bingo radio au profit de la station qui a lieu tous les dimanches de 13h à 15h. Pensez à acheter votre carte à l'avance pour jouer avec nous. Les différents points de vente sont indiqués sur la page de l'émission Bingo Radio sur CIBL1015.ca. Et pour toute suggestion ou commentaire sur l'émission Le Grenier Pop, je vous attends bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Donc, bon vendredi et bonne soirée d'Halloween. Mais du coup, tous les gens, ça y est, les réseaux, ah, c'est la guerre. Attention, et qu'est-ce que, détendez-vous les gars, c'est la, où c'était la guerre? Non, oui, en fait, ça prend une tournure un peu bizarre quand même, je trouve. Donc détendez-vous, du slip, tout va bien. Bah, le clairon. Et les gars, faut remettre le couvert. Écoute, je suis content, moi, de reprendre le costume. Je suis enthousiaste. Tu vois, je me dis, bon, écoute, c'est une belle continuation. Après, j'aurais bien voulu lire le scénario, moi. Tu sais, comme je suis curieux et que je voudrais savoir comment évolue mon personnage, je me retrouve confronté à ce que Alex, il ne partage pas le scénario, il ne veut pas. Alors, ça, c'est son point de vue, mais... Et du coup, on se retrouve à tourner, mais sans connaître le scénario, sans savoir comment, après 10 ans, comment a évolué son personnage. Et voilà, on se fait nos scènes, les scènes qu'on doit tourner, comme à la méthode Kaamelott télé. Un peu, après, et puis Alex est pris sous la tourmente d'un tournage de film, donc on a très peu d'échanges. Donc, un peu frustré. Mais bon, ça se tourne, ça se fait, tout va bien. Trois ans passent, pareil, on se perd de vue, Alex, on se voit pas en dehors de Kaamelott. Et hop, il faut faire la suite, les gars. Écoute, toujours enthousiasme, pourquoi pas. Je me dis, bon, écoute, je vais essayer, prendre mes mesures pour mon costume. Et là, je commençais à dire au prodexé, moi, j'aimerais bien lire le scénario quand même. Parle-en à Alex. Enfin, tu vois, ça me fait chier d'y aller sans lire le scénario. Je l'ai fait la première fois, j'étais un peu frustré. Je veux lire le scénario. Enfin, je veux lire comment évolue mon personnage. Il me dit, putain, mais c'est compliqué avec Alex. Il ne va pas vouloir, machin. Bon, ça traîne. Un jour, j'appelle Alex et je lui explique. Alex, il faut que je puisse lire le truc. Je trouve qu'un acteur a besoin des fois de pouvoir savoir comment évolue son personnage. Compliqué. Donc ça reste un peu, une joute verbale, tendre et sans problème. Et je lui dis, écoute, fais-moi plaisir. Donc je lis le manuscrit. On va dire manuscrit, hein. Ça fait plus mystérieux. Et comment dire? Donc moi je suis emmerdé, je lui dis, écoute, j'appelle Alex, je lui dis, écoute Alex, je ne me retrouve pas. Après, je ne sais pas pourquoi, mais simplement, c'est juste expliquer aux gens que je ne peux pas faire semblant. C'est-à-dire que moi je joue pour m'amuser et que je ne peux pas aller jouer à ce personnage que je ne ressens pas. Voilà. Donc j'ai dit non à Alexandre Astier. C'est moi vraiment, je parle de mon personnage, je ne parle pas du scénario. Donc, c'est comme tu dis, un ressenti personnel. Bah moi, en fait, moi, ça, je, en fait, sincèrement, je, moi, quand j'ai demandé, quand j'ai essayé mon costume, c'était en, allez, on va dire en mars 2024. Donc et que j'ai demandé à lire le scénario, c'était en mars 2024. Donc si tu veux, ils ont commencé le tournage en juillet. Moi, je devais pas tourner, je devais tourner qu'en septembre. Donc sincèrement, il n'y a pas de scénario 2023. J'ai pas lu de scénario en 2023. Moi, j'ai lu le scénario. Alors après, je me demande si c'était pas en mai ou en juin, tu vois. J'ai pas lu le scénario 2023. Donc je pense qu'il a réécrit, mais pas pour moi, pas à cause de moi. Donc non, oui, c'est. Bah, tu sais, il y a beaucoup de conneries hein, sur les réseaux en ce moment. Donc peut-être qu'il faudra qu'on en parle aussi. Voilà, donc ça, je vous le confirme, donc c'est bien Franck Pithiot. Il n'y a pas de pastille bleue, hein, mais ça, je suis sur les réseaux depuis peu. Mais c'est vrai qu'encore, les gens ne pensent pas que je suis sur les réseaux, donc je suis sur Instagram, fake news, Facebook, et voilà. Et puis, alors pourquoi ? La question est de dire pourquoi je suis sur les réseaux. Alex est parti tourner sans moi, il n'y a pas de problème, tout se passe bien jusqu'au moment où il commence à y avoir des articles où je suis crédité dans le film. Donc ça, je trouve ça un peu curieux parce que je n'ai pas fait le film. Et du coup, j'appelle la prod et je leur dis « mais c'est bizarre quand même, je suis crédité dans le film alors que je n'ai pas joué ». Et la prod me dit « oh mais excuse-nous, mais c'est pas nous, c'est des journalistes qui sont cons, c'est eux qui mélangent tout, machin, bon ». D'accord. Écoutez, essayez de quand même de clarifier la situation parce que ça sert à rien de me créditer moi alors que je n'y suis pas et puis ou leur préparer une communication parce que là c'est un peu ni fait ni à faire. Du coup, Alex est obligé de sortir le casting en août et après ça prend feu sur les réseaux. Donc déjà, on arrive à parler des réseaux. Moi, je remercie tous ceux qui m'ont fait des messages de soutien et d'amour qui m'ont touché en plein cœur. C'est-à-dire qu'il y a eu des messages élogieux qui sont magnifiques, de fans de mon personnage. Je ne me rendais pas compte à quel point il était aimé, ce personnage. Du coup, j'ai eu des chansons, j'ai eu des analyses de teasers, tout ça. Donc ça, ceux-là, je les remercie du fond du cœur. Après, il y en a certains qui sont là pour attiser la haine et qui disent que c'est un règlement de compte entre Alexandre Astier et moi. Ce n'est pas vrai, c'est simplement que moi je suis venu sur les réseaux justement pour clarifier un peu la situation. C'est-à-dire que je voulais m'assurer qu'on ne dise pas trop de conneries sur moi, sur mon dos surtout, c'est ça. Donc j'ai partagé quelques trucs et forcément ça a mis le feu, ça a envenimé un peu la situation. Mais du coup, tous les gens, ça y est, les réseaux, ah, c'est la guerre. Attention, et qu'est-ce que. Détendez-vous les gars, c'est c'était la guerre. C'est pas la guerre, c'est. Juste un différent artistique d'un personnage. Ça n'a rien à voir avec le film, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est le personnage de Perceval que je ne me retrouve pas. Voilà, c'est comme ça. Donc détendez-vous du slip, tout va bien. Laissez faire Monsieur Astier, et puis voilà. Et puis je suis content que mon personnage continue de vivre sans moi. C'est peut-être mon plus beau rôle, ça. Mais Monsieur Amber, alors il m'a touché, Monsieur Amber, parce que quand je lui ai dit que je voulais pas venir, il était triste, donc il a été un peu affecté. Et je lui ai dit, écoute, je vais pas faire semblant, je ne peux pas. Donc ça l'a affecté beaucoup. Voilà. C'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup dit. Je l'ai vu dans une interview où il disait que la scène la plus touchante, c'était justement cette scène où justement il parle de moi. Donc. On a passé des bons moments avec Monsieur Amber. Inch'Allah, on va dire. Non, le 3, je ne suis pas contre faire le 3. Donc, pourquoi pas ? C'est un mot de la fin qui est sympa. Il me semble. Bon. Portez-vous bien. Bon, ben merci, Franck. Bah, écoute, plaisir. On a marqué des points, là, ou pas ? Là, c'est bien. Dans son ouais. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Je peux couper ? Ouais, tu peux couper.